Deuxième épître de saint Paul aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons sans cesse rendre grâces à Dieu, à votre sujet, frères, comme cela est juste, parce que votre foi augmente de plus en plus et que la charité de chacun de vous envers les autres va en croissant. De sorte que nous-mêmes, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre constance et de votre fidélité, dans toutes les persécutions et les tribulations que vous endurez. Elles sont une preuve du juste jugement de Dieu, et elles servent à vous rendre dignes du royaume de Dieu pour lequel aussi vous souffrez. Car il est juste pour Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lors de la révélation du Seigneur Jésus, qui viendra du ciel, avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour tirer vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent point à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils subiront la peine d'une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance, lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints, et pour se faire admirer dans tous ceux qui auront cru, puisque vous avez cru au témoignage que nous avons rendu devant vous. C'est pourquoi aussi nous prions sans cesse pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de sa vocation et qu'il accomplisse avec puissance tous les desseins de sa bonté et l'œuvre de la foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié en vous et que vous le soyez en lui, par la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous conjurons, mes frères, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et par notre réunion avec lui, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et que vous ne soyez pas épouvantés, soit par quelque prophétie, soit par quelque parole ou quelque lettre qu'on prétendrait venir de nous, comme le jour du Seigneur était proche. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant lui-même passer pour Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère d'iniquité est actif déjà. Seulement, il faut que celui qui le retient encore soit mis de côté. Et alors se manifestera cet impie que le Seigneur Jésus tuera par le souffle de sa bouche et qu'il détruira par l'éclat de son avènement. L'avènement de cet impie aura lieu selon la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront consenti à l'iniquité, soient condamnés. Mais nous, frères bien-aimés de Dieu, nous devons rendre à Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, de ce que Dieu vous a élu comme des prémices, pour vous sauver par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Ce à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour vous faire acquérir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et conservez les traditions que vous avez apprises, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés, et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Au reste, mes frères, priez pour nous, afin que la parole de Dieu ait un libre cours et soit glorifiée, comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes importuns et méchants, car tous n'ont pas la foi. Mais Dieu est fidèle, et il vous affermira et vous préservera du mal. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur, que vous faites et que vous ferez ce que nous vous prescrivons. Que le Seigneur dirige vos cœurs dans l'amour de Dieu et dans la patience du Christ. Nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit d'une manière déréglée et non selon l'instruction qu'on a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, puisque nous n'avons pas mené parmi vous une conduite irrégulière. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais nous avons travaillé nuit et jour avec peine et avec fatigue pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous déclarions que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous se conduisent d'une manière déréglée, ne travaillant pas, mais s'occupant de choses vaines. Or, nous ordonnons à ces personnes-là, et nous les conjurons par le Seigneur Jésus-Christ, de manger un pain qui soit le leur, en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez point de faire le bien, et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous ordonnons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de commerce avec lui, afin qu'il en ait de la confusion. Ne le regardez cependant pas comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et en tout lieu. Que le Seigneur soit avec vous tous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là mon signe dans toutes mes lettres. J'écris ainsi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.